un complot. C'était après s'être perdu en rêverie sur l'élégance de la taille de Mademoiselle de La Mole, sur l'excellent goût de sa toilette, sur la blancheur de sa main, sur la beauté de son bras, sur la disinvoltura de tous ses mouvements, qu'il se trouvait amoureux. Alors, pour achever le charme, il la croyait une Catherine de Médicis. C'était en un mot pour lui l'idéal de Paris. Piqué par une bizarrerie soudaine, le cœur de cette jeune fille, naturellement froid, ennuyé, sensible à l'esprit, devint aussi passionné qu'il l'était dans sa nature de l'être. Mais il y avait aussi beaucoup d'orgueil dans le caractère de Mathilde, et la naissance d'un sentiment qui faisait dépendre d'un autre tout son bonheur fut accompagnée d'une sombre tristesse. Il crut distinguer qu'elle avait perdu un peu de la mesure parfaite qui brillait dans toutes ses actions. Elle répondait quelquefois à ses amis par des plaisanteries outrageantes à force de piquante énergie. Il lui sembla qu'elle prenait en guignon le marquis de Croisenois. Il redoublait de froideur envers elle. Souvent, il alla jusqu'aux réponses peu polies. Quelque résolu qu'il fût à ne pas être dupe des marques d'intérêt de Mathilde, elles étaient si évidentes de certains jours, et Julien, dont les yeux commençaient à se dessiller, la trouvait si jolie qu'il en était quelquefois embarrassé. Un soir, ils étaient restés seuls. La conversation languissait, évidemment. « Non, Julien ne sent rien pour moi », se disait Mathilde, vraiment malheureuse. Comme il prenait congé d'elle, elle lui serra le bras avec force. « Vous recevrez ce soir une lettre de moi », lui dit-elle d'une voix tellement altérée que le son n'en était pas reconnaissable. Cette circonstance toucha sur le champ Julien. Une heure après, un laquais remit une lettre à Julien. C'était tout simplement une déclaration d'amour. « Il n'y a pas trop d'affectation dans le style », se dit Julien, cherchant par ses remarques littéraires à contenir la joie qui contractait ses joues et le forçait à rire malgré lui. « Enfin, moi !» s'écria-t-il tout à coup, la passion étant trop forte pour être contenue, « moi, pauvre paysan !» J'ai donc une déclaration d'amour d'une grande dame. Quant à moi, ce n'est pas mal. Je n'ai point dit que j'aimais. Il se mit à étudier la forme des caractères. Mademoiselle de La Mole avait une jolie petite écriture anglaise. Il avait besoin d'une occupation physique pour se distraire d'une joie qui allait jusqu'au délire. Votre départ m'oblige à parler. Il serait au-dessus de mes forces de ne plus vous voir. Julien eut un instant délicieux. Il errait à l'aventure dans le jardin, fou de bonheur. « Bon, s'écria-t-il, voilà la signature de ma réponse trouvée. N'allez pas vous figurer, Mademoiselle de La Mole, que j'oublie mon état. Je vous ferai comprendre et bien sentir que c'est pour le fils d'un charpentier que vous trahissez un descendant du fameux Guy de Croisenois qui suivit Saint-Louis à la croisade. » Julien ne pouvait contenir sa joie. Il fut obligé de descendre au jardin. Sa chambre, où il s'était enfermé à clé, lui semblait trop étroite pour y respirer. Il lui vint une idée. « C'est à Fouquet que j'enverrai cette lettre. » Il faut en convenir, le regard de Julien était atroce, sa physionomie hideuse. Elle respirait le crime sans alliage. C'était l'homme malheureux en guerre avec toute la société. « Aux armes !» s'écria Julien. Il franchit d'un saut les marches du perron de l'hôtel. Il entra dans l'échoppe de l'écrivain du coin de la rue. Il lui fit peur. « Copier !» lui dit-il en lui donnant la lettre de Mademoiselle de La Mole. Pendant que l'écrivain travaillait, il écrivit lui-même à Fouquet. Il le priait de lui conserver un dépôt précieux. Cela fait, il rentra joyeux et leste à l'hôtel de La Mole. « À nous, maintenant !» s'écria-t-il en s'enfermant à clé dans sa chambre et jetant son habit. « Quoi, mademoiselle ? » écrivait-il à Mathilde. « C'est mademoiselle de La Mole qui, par les mains d'Arsène, laquais de son père, fait remettre une lettre trop séduisante à un pauvre charpentier du Jura, sans doute pour se jouer de sa simplicité. » Et il transcrivait les phrases les plus claires de la lettre qu'il venait de recevoir.